Maintenant, dans la deuxième partie, notre sujet, c'est la séduction des faiblesses. On mettait en relief tout à l'heure le fait qu'un individu conscient avait besoin de vivre son autorité, d'être en autorité face à ce qu'il y a à vivre ou à faire. Une chose qui est curieuse souvent, c'est que les gens, quand ils glissent dans une sorte d'état d'impuissance, ils réagissent lentement. C'est dû à quoi, ça? Qu'est-ce qui fait qu'un individu qui est placé dans des conditions où on dirait qu'il est magnétisé par le fait d'une impuissance quelconque n'est pas capable de se ressaisir puis de spontanément agir? Il se laisse aller des fois des semaines puis des mois de temps. Il se laisse couler, ni plus ni moins, dans cette sensation. Il se laisse séduire, ni plus ni moins, par le mouvement qu'il sait profondément, qui est en train de couler, là, mais il se laisse couler. Qu'est-ce qui se passe dans l'individu pour que ça se produise? Continue à me poser des questions. Bon, disons, moi, en tout cas, en consultation, je rencontre souvent des gens là, qui vivent des états d'impuissance devant des événements. Et puis, ils ne sont pas capables d'allumer. On dirait que la dynamique, l'étincelle, la capacité de prendre une décision n'est pas là. Et puis, ils savent, on va leur parler, on va leur dire, bon, ben, il y a telle chose là, que faut que tu réveilles. Et puis, ça passe pas. Il y a quelque chose, là, il y a vraiment qui est embué, là, puis il n'y a pas de passage à ça. Ils sont pas capables de rentrer dans leur autorité. Ils sont complètement dominés par l'impression. Ouais, OK. C'est comme s'ils acceptaient l'impuissance plutôt que de combattre cet état d'impuissance-là. La cause de tout ça, c'est que l'homme a réellement pas de conscience vibratoire. Okay. L'homme de l'évolution n'a réellement pas d'idée qu'est-ce que c'est une conscience vibratoire. Comme il n'y a pas d'idée qu'est-ce que c'est une conscience vibratoire, parce qu'il n'y en a pas, à ce moment-là, il fonctionne toujours par rapport à une conscience psychologique. Puis une conscience psychologique, c'est totalement réflectif. Mm-hmm. Alors qu'une conscience vibratoire, c'est totalement réactif. Okay. C'est une conscience vibratoire, c'est comme de l'eau et de l'acide sulfurique. Ça réagit tout de suite. Puis le temps de plus tu as une conscience vibratoire, plus le temps de réaction est court. Ouais. Donc, si, pour répondre à votre question, là, c'est comme si on disait, bien, au fur et à mesure où l'homme va passer de l'évolution à l'évolution, il va développer une conscience vibratoire, puis son temps de réaction va devenir plus court. OK. Puis comme l'homme n'a pas de conscience vibratoire, comme elle n'est pas développée, à ce moment-là, quand il vit quelque chose, n'importe quoi, il est obligé de subir sa conscience. Donc, il est obligé de subir son inconscience. Il est obligé de subir ses états d'âme. Il est obligé de subir l'état d'âme des autres. Il est réellement dans un état de soumission à sa programmation. Mm-hmm. Alors que dans une conscience vibratoire, dans un sens, un homme qui a une conscience vibratoire là, assez développée, là, c'est comme s'il est dans un état de guerre de fait. Mm-hmm. Un homme là, qui a une conscience vibratoire, là, il est dans un état de guerre de fait. Pas dans le sens qu'il va être en état de guerre, mais il est dans un état de guerre de fait. J'expliquais tout à l'heure l'affaire des cartes. Les cartes. Là. Oui, les cartes japonaises. Les cartes japonaises. Bon, moi j'ai une conscience vibratoire. Fait que si je rencontre un Japonais, ma conscience vibratoire est dans une guerre de fait. Mm-hmm. Je vais prendre ma carte, je vais lui donner d'une main. S'il apprend pas, parce que je donne avec une main, c'est tout bad. Je vais reprendre le bateau, je vais revenir ici. Parce que la conscience vibratoire n'est pas capable de se laisser imposer des conditions. Mm-hmm. Si elle le fait, c'est parce qu'elle veut. Okay. Tandis que l'homme, lui, qui n'a pas de conscience vraiment, une conscience psychologique, bon, ben, il part avec sa petite carte d'affaires, puis il va jouer le jeu de la conscience raciale qu'il reçoit comme hôte. Mm-hmm. Tandis qu'une conscience vibratoire ne peut pas faire ça, ne peut pas jouer le jeu. Mm-hmm. Là, vous allez dire, ben, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se produire au niveau des hommes d'affaires, au niveau des hommes qui doivent aller au Japon, par exemple, je prends l'exemple du Japon, qui doivent faire des affaires au Japon. Ben, mais si j'ai à faire des choses au Japon, mais ben, à ce moment-là, je vais me rencontrer un Japonais qui fonctionne, puis si je n'en raconte pas, je vais m'engager quelqu'un qui n'a pas suffisamment de conscience vibratoire, qui a plus de conscience psychologique, qui est capable de me représenter au Japon, puis la faire, la petite passe de la carte avec les deux doigts. Lui, il est capable. Il l'a. Il est capable. Il y a des buffers. Il y a des buffers pour le faire. Moi, j'en ai pas de buffers pour le faire. Fait que le temps de réaction est très, très rapide. Plus l'homme aura une conscience vibratoire. Fait qu'automatiquement, il ne pourra plus se laisser déterminer de l'extérieur. À ce moment-là, le temps de réaction étant très, très court, l'homme va pouvoir passer en puissance très, très vite. Est-ce que pour être, parce que vous parliez d'indépendance d'esprit, est-ce que pour être indépendant d'esprit, il faut être indépendant de finances? Non. Non. L'indépendance d'esprit, c'est une conscience. Bon, moi, c'est parce que je vous pose cette question-là, parce que c'est difficile d'être indépendant quand on est dans une situation de survie. Indépendant dans l'esprit. Ouais. Indépendant dans l'esprit, c'est indépendant dans l'esprit. C'est pas conditionné par l'extérieur. OK. Est-ce qu'indépendant dans l'esprit... Est-ce que quand on est indépendant dans l'esprit, on est sorti de la survie? Pas nécessairement. OK. On peut être dans la survie indépendant dans l'esprit. Oui. Oui. Mais on ne vivra pas la survie comme un homme qui n'a pas d'indépendance d'esprit. Expliquez-moi. Un homme qui est indépendant dans l'esprit et qui est en survie ne subit pas la survie de la même façon qu'un homme qui n'a pas d'indépendance d'esprit. Parce qu'il n'est plus affecté par la survie au niveau psychologique comme l'homme qui est inconscient. Il sait que c'est temporaire, il a les moyens à long terme, selon sa voyance même, pour en arriver à sortir de ça. Ça fait partie de sa conscience créatrice. Tandis que l'homme qui n'est pas indépendant dans l'esprit, puis qui est en survie, automatiquement, il est conditionné par la survie. La survie même devient pour lui une mesure de son impuissance. Alors qu'un homme qui est indépendant d'esprit, même s'il est en survie, la survie ne représente pas pour lui un niveau d'impuissance. Elle représente simplement une condition temporaire qu'il doit supporter pour perfectionner son corps mental, pour perfectionner ses émotions, pour perfectionner quelque chose en lui qui doit être perfectionné, afin que son taux de vibration monte, et qu'éventuellement, il puisse utiliser sa conscience créatrice pour fracturer ce pouvoir évolutif-là sur sa conscience mentale supérieure, qui est, autrement dit, les conditions de la survie sur son être. OK. Donc, est-ce qu'on pourrait dire à ce moment-là que l'individu qui est indépendant dans l'esprit a une certitude dans le long terme? Bon, c'est ça. Un individu qui est indépendant dans l'esprit, il a une certitude à long terme. Okay. Il sait qu'à long terme, il s'en va là. Ça fait partie de sa conscience créatrice, ça fait partie de sa puissance. Ça fait partie de la reconnaissance en lui-même, par lui-même, pour lui-même, envers lui-même, chez lui, qu'il est libre. OK. Parce que un homme qui n'en arrive pas éventuellement à reconnaître ça en lui-même, ça veut dire qu'il n'a pas la puissance pour aller avec, donc automatiquement, il va demeurer prisonnier de la survie, et ainsi de suite. Donc, à ce moment-là, ce qu'on dirait vraiment que la faiblesse, là, quand les gens sont séduits par une faiblesse, c'est simplement un manque de vision? Non. La faiblesse, c'est une incapacité de réagir. C'est dû à quoi, ça? C'est dû au fait qu'on n'a pas de conscience vibratoire. OK. Un homme qui a une conscience vibratoire automatiquement réagirait, automatiquement aurait la vision. Donc ça n'a rien à faire avec la vision. Ça a à faire avec le fait qu'on ne réagit pas, l'homme ne réagit pas. Pourquoi? Parce que ses émotions sont trop lourdes. Son mental est trop opaque. S'il y avait une conscience vibratoire, les émotions seraient très, très retirées, le mental serait très, très présent, l'homme serait très, très électrique. Donc, il réagirait, il mettrait toujours de l'âme, puis de l'âme, puis de l'âme, puis de l'âme, puis de l'âme. Donc, la faiblesse, dans le fond, c'est contigu à l'absence de l'ordre. Une personne là, qui n'a pas d'ordre dans sa vie, là, il y a une faiblesse. Même si ça apparaît comme une force, c'est une faiblesse. On ne peut pas dissocier l'ordre de la conscience. On peut pas. Parce que si on dissociait l'ordre de la conscience, il n'y aurait pas de fondation créative, constructive. Il n'y aurait pas d'assise. Donc, on ne peut pas dissocier l'ordre de la conscience. Ça va ensemble. D'ailleurs, on va le réaliser un jour, parce que éventuellement, quand on aura une conscience vibratoire, on souffrira de plus en plus du désordre, puis du désordre. Fait qu'il y a une relation entre l'ordre et la conscience. L'ordre, c'est pas simplement un attribut psychologique de l'ego. L'ordre, c'est-à-dire un besoin psychique de l'esprit dans la matière. Donc, l'esprit, quand il s'incarne, autrement dit, l'esprit, quand il devient conscient de lui-même dans le matériel, il a besoin de l'ordre afin de garder loin de lui le désordre qui fait partie de l'évolution. Le désordre, ça fait partie de l'évolution. L'ordre, ça fait partie de l'évolution. C'est quoi le premier niveau d'ordre qu'un individu doit se donner dans sa vie pour que ça descende éventuellement dans la matière? Éliminer de sa vie les gens qui obstruent le passage de sa conscience dans le matériel. Éliminer de sa vie les gens qui empêchent la définition de son autorité. Éliminer de sa vie les gens qui empêchent la définition de sa réalité, l'expression de sa réalité, ainsi de suite. On est beaucoup plus conditionné qu'on pense par la psychologie judéo-chrétienne. Ou je dirais même chrétienne. On est beaucoup plus conditionné qu'on pense par la psychologie de la race. Qu'on soit japonais, chinois, russe, indien. Mais la solidarité à travers le monde, c'est un facteur. La solidarité à travers le monde fait partie des prémices psychologiques, des conventions politiques établies pour le développement d'une harmonie monétaire, économique, politique, ou éventuellement on en arrive à une zone totalement démilitarisée. Ça fait partie de l'évolution des peuples et des nations. Ça n'a rien à faire avec l'évolution de la conscience humaine en tant que telle, en tant que principe de lumière établi sur une planète à travers des corps en évolution. C'est pour ça qu'un homme qui est en évolution de conscience ou un homme qui a une conscience mentale est totalement en dehors de la conscience des peuples, en dehors des besoins des peuples, en dehors de ce qui régit l'expérience des peuples. L'évolution, l'évolution. C'est pour ça d'ailleurs que ça va être difficile pour l'homme de passer de l'évolution à l'évolution, parce qu'il va être obligé de renier son appartenance émotionnelle à la race humaine. Donc, il va être obligé de renier son apparence psychologique aux valeurs humaines, pour en arriver finalement à s'instruire de lui-même. On peut renier jusqu'à où? Jusqu'à nos parents, nos enfants? On peut renier... Ça, c'est intéressant. C'est parce que les valeurs humaines, ça se colle à du monde, là. Quand on parle de renier, là, renier veut pas dire saccager les relations. Renier veut dire ne pas être affecté par les courants astraux d'une relation. Autrement dit, renier, ça veut dire ne pas s'assujettir à. Mais tu peux ne pas t'assujettir à, toujours en créant des conditions qui, pour l'autre, sont palatables. Ça, c'est le respect. Moi, je peux pas vivre. Moi, je peux pas vivre, puis je ne vivrai pas, et je ne vis pas, et je n'ai pas vécu pendant des années sous les conditions maternelles de la psychologie de ma mère. Pourtant, je l'aime bien, bien fine, c'est ma mère. Elle m'a amené au monde. Point final. Ouais. Mais plus loin que ça, là, les conditions psychologiques qu'elle pourrait m'imposer, dire, moi, je t'ai mis au monde, je t'ai tout donné, maman, tout ça, là. On la connaît, elle est retournée. Ça, là, ça, c'est. Ça, je tasse ça. Bon. Aujourd'hui, j'ai tellement tassé qu'elle ne questionne plus, mais il était pendant un certain nombre d'années. Je suis obligé de le tasser. Chante-moi pas, bluffe-moi pas, compte-moi pas des histoires, mais je la rebalance, hein, parce que je respecte son état de conscience. Sinon, à ce moment-là, je vis l'enfer avec un être qui est supposé d'être proche de moi. Vous reniez son système de valeurs, mais pas la personne. Je renie totalement son système de valeurs, mais pas la personne. C'est ça. Tellement que si... Puis maintenant, là, une femme m'avait demandé, elle dit, tiens, as-tu allé au Père Saint-Joseph avec moi? J'ai dit, ouais. Moi, j'avais du temps, là. Fait que je suis allé au Père Saint-Joseph. Puis je l'ai pas énervé. Je me suis bien conduit. vous avez pas monté les marches chez les genoux, j'espère. Non. Non. Mais si j'avais voulu, j'aurais pu le faire. Ouais. C'est pour elle. Pour elle. Une fois. Après ça, j'ai renvoyé le bill du médecin. Fait que, tu sais, ça dépend de ce que je vais faire. Je suis tout un homme. Je fais la gestion de mon mental. Fait que t'es content. Mais une fois. Fait qu'il y a des choses que je fais une fois, tu sais. Comme là, matin, là, puis je la sens, je suis psychique, donc je l'attends, avec que je l'appelle. Même à soir, avec que je l'appelle. Tu sais, je suis à Montréal, puis je suis en conférence, tu sais. Puis des fois, je vois par là-dedans, je dis, je l'appelle-tu, puis ça me dit, pas de suite. Pour toujours, pas. Puis quand je l'appelle, elle est contente. Puis même si je ne l'ai pas vue pendant 5 semaines, 6 semaines, 8 semaines, rien que le fait que j'avais été content, elle oublie le fait qu'elle n'a pas vu. Sans ça, elle voudrait me voir tous les soirs. Même à tous les soirs, elle voudrait que je fasse avec. C'est jamais assez pour ma mère. C'est un scorpion 7 fois, scorpion. Amen. Bon. Fait qu'il n'y a rien à faire avec tout le monde. Fait qu'il faut que tu... Fait que si tu ne fais pas ça, ben t'es fait. Tu ne fais pas ça, t'es fait. Avec ma mère, j'en étais fait. Mm-hmm. Fait que comme je respecte l'être, je commence, je comprends sa condition, papa. Fait que de temps en temps, je fais un petit plaisir. Mm-hmm. Mais je suis obligé de réellement, avec ma mère, je suis obligé de réellement la garder le plus possible à distance, jusqu'à faire que ce soit too much. Quand c'est too much, là je l'appelle, elle est contente. Mais c'est réellement, il faut avoir beaucoup de conscience pour traiter avec une mère comme moi. Mm-hmm. Je traite avec ma mère. Sans ça, tu déboussoles. Mm-hmm. C'est elle qui te rend fou, c'est pas toi qui te rend folle, ça se rend pas fou, ça. C'est, tu peux pas rendre fou, ça. Elle est trop solide. Les psychiatres ont étudié son cas, puis il y avait des pelles de sueur sur le front. Le psychiatre. Il disait, madame, une telle, il dit, je peux rien faire pour vous, il n'y a rien à faire avec vous. Puis c'est vrai, il n'y a rien à faire avec ma mère. Elle est constituée psychologiquement comme un bloc de ciment, puis rien que moi qui peux le pénétrer. Parce que j'ai pas les mécanismes de l'évolution que les autres ont. Fait qu'elle a mis ma famille à terre, elle a mis tout le monde à terre. Mon père à terre, mon grand-père à terre, ma belle-mère à terre, les cousines, les sœurs à terre, les gens qu'elle rencontre, elle les met à terre, elle met tout le monde à terre. Excepté elle. Puis moi, elle ne peut pas me mettre à terre, parce que je connais la game. Mm-hmm. Puis comme elle ne peut pas me mettre à terre, elle a même encore plus de scorpions. Le plus grand défi. Ouais, le plus grand défi. Fait qu'imagine-toi si... La vie, c'est un peu ça, hein, Bernard. Tout ton œuvre est faite pour nous mettre à terre. Toute dans la vie est faite pour nous mettre à terre, effectivement, si on est pas conscient, se mettre à terre, pour toutes sortes de raisons, parce qu'on est constitué psychologiquement de notions, de valeurs qui font partie d'un temps où l'homme était écrasé par des systèmes de pensée, parce que l'homme n'avait pas d'identité, parce que la fusion n'existait pas sur la terre. Maintenant que la fusion existe sur la terre, que l'homme peut avoir de l'information directe à partir du plan mental, là, ça va commencer à changer ça. Fait que l'homme va commencer à faire la gestion de son énergie. Mm-hmm. Puis ça, là, cette période-là, ben c'est ça que j'appelle une initiation solaire. Mm-hmm. Autrement dit, une période dans la vie de l'individu où il est obligé de se révéler à lui-même. Ce qu'on n'a jamais fait pendant l'évolution. Mm-hmm. On ne s'est jamais révélé à soi-même. Mm-hmm. Ce sont des systèmes extérieurs qui nous ont réfléchi une image quelconque. Mais on n'a jamais eu, l'homme n'a jamais eu son image. L'homme n'a jamais eu sa mesure. L'homme n'a jamais su jusqu'où il peut aller dans le domaine de la pensée. Puis, d'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle, pendant l'évolution, on n'a jamais connu le mystère de la pensée. Mm-hmm. C'est dans l'évolution, après la fusion, qu'on a commencé à savoir que l'homme est matériellement, psychiquement, techniquement en communication avec des plans, qu'on appelle le plan mental. Que la pensée fait partie des servitudes spatiales du psychisme humain. Que la communication n'a rien à voir avec des modes de réflexion. Mm-hmm. Que les modes de réflexion sont simplement des disjonctions psychiques ou psychologiques temporaires sur le plan de l'évolution cosmique. Et qu'éventuellement, l'homme va réaliser qu'enfin, à partir du moment où tu penses que tu penses, tu es en communication avec des étrangers. Et que ces étrangers-là sont des niveaux de conscience très avancés qui représentent pour nous en tant qu'être des anges, des archanges, des dominations. Mm-hmm. Puis plus on va être intelligent, puis plus on va être mental, mais plus ça va devenir d'autres choses, et ainsi de suite. Mm-hmm. Donc le mystère de la conscience humaine n'a jamais été révélé à l'homme pendant l'évolution, parce que l'homme, pendant l'évolution, n'était pas capable de faire la gestion de son mental. Mm-hmm. Le contact avec les circuits universels n'était pas établi. Mais à partir du moment où c'est fait, ben là, l'évolution commence. mais à ce moment-là, tu ne peux plus traiter avec les valeurs normatives de l'évolution qui constitue la fondation psychologique de la cinquième race racine, comme tu l'as fait dans le passé. À ce moment-là, tu commences à t'individualiser. C'est pour ça qu'à ce moment-là, tu es obligé, que tu fasses n'importe quoi, tu es obligé de rompre avec les femmes. Tu brises les femmes. Ça te force à cristalliser ton centre mental, ton centre émotionnel. Ça te met dans un état de conscience de plus en plus accéléré. La gestion de la pensée, c'est une illusion quand on sait que ces forces-là existent. La gestion de la pensée, c'est pas une illusion si tu es capable de reconnaître dans ta conscience mentale la suprême autorité de ta conscience. Si tu n'es pas capable de reconnaître la suprême autorité de la conscience, tu as sujetti ta conscience à un niveau quelconque de réflexion. Donc, à ce moment-là, tu t'enlèves le droit d'être. Mm-hmm. Tu t'enlèves le droit d'être. Ça veut dire quoi, ça, s'enlever le droit d'être? Ça veut dire que tu te donnes, tu t'imposes, tu te conditionnes à une non-être-té, qui était l'existentialisme planétaire de l'évolution. Mm-hmm. Alors qu'un homme conscient se donne le droit d'être. Mais il se donne le droit d'être par rapport à quoi? Par rapport à sa capacité mentale de supporter la définition psychique de son moi à l'extérieur du conditionnement émotionnel que l'évolution lui a imposé à travers les religions, les systèmes de pensée, papapapapapa. C'est pour ça que l'homme conscient est seul, sera toujours seul, même s'il est à deux, il sera toujours seul. Un homme conscient, c'est toujours un initié, que ce soit un grand initié, un petit initié, quand tu es conscient, autrement dit, quand tu reconnais ton autorité, l'autorité de ta conscience, la prédétermination de ta conscience, la prévolution de ta conscience, la prédétermination de ta conscience, la prédestinée de ta conscience, la préscience de ta conscience, automatiquement, tu es totalement en définition. Fait qu'à ce moment-là, tu ne peux plus vivre ta conscience par rapport aux lois évolutives des races de l'évolution qui ont été amenées à certaines apogées par des initiés qui sont venus de certains plans pour la conversion des énergies humaines afin que l'homme passe du stage animal au stage mental, ainsi de suite, jusqu'à ce que l'homme passe au stage supramental demain. Il y a une grosse question qui, en tout cas, quand les gens sont dans ce développement de conscience, il y a une grosse question qui est toujours soulevée. C'est quand ça va bien, c'est nous autres qui pensent. Quand ça va mal, c'est les forces qui nous ont fait vivre ça. T'sais? Fait que il y a une problématique de être constant dans la perception de ce que les forces ou de ce que cette lumière-là nous fait vivre. Et puis, c'est pourquoi quand on vit une situation d'impuissance, on reporte ça à des forces. Puis que quand on est dans une situation, entre guillemets, d'un rendement ou d'une puissance, là, c'est nous autres, là. C'est intéressant. C'est nous autres qui fait l'argent, puis c'est nous autres que... Il y a une problématique là-dedans. C'est parce que quand ça va bien, on n'est pas en guerre. Quand ça va mal, on est en guerre. Quand ça va bien, on n'est pas conscient des forces. Quand ça va mal, on le devient. Mm-hmm. Quand ça va bien, tu ne penses pas à Dieu. Quand ça va mal, tu penses à Dieu. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Je donne un exemple. Oh, ouais. Quand tu es conscient... Quand une conscience occulte, c'est la même chose. Quand ça va bien, tu ne penses pas aux forces. Quand ça va mal, là, tu es en guerre. Donc, tu deviens conscient d'elle, puis la communication s'établit. La guerre dans le mental s'établit, et ainsi de suite. Mais tu ne peux pas être en guerre tout le temps avec les forces. De toute façon, on perdrait énormément d'énergie, donc il y a un break. Fait que la programmation de l'homme fait en sorte que. Bon, t'as une période de break, une période de déséquilibre, t'as une période de break, t'as une période de déséquilibre. Puis, quand tu passes de l'équilibre au déséquilibre, ben, tu vis des états de conscience qui se différencient l'un de l'autre, puis qui t'amènent éventuellement à une élévation de ton taux vibratoire. Hmm. Puis, quand t'es bien, bien habitué aux états de guerre, là, avec les forces, éventuellement, tu deviens très, très conscient. Que c'est pas l'état de guerre en soi qui est important, c'est ce que ça change au niveau de tes corps. OK. Fait que là, c'est un autre état. Ça, c'est les décisions qu'on prend, puis c'est chouette. Ouais. Fait qu'à ce moment-là, tu prends des décisions, puis là, t'es rendu pas mal avancé, parce qu'à ce moment-là, t'es plus affecté émotivement par le conditionnement de la race. Fait que t'es capable de réellement prendre des décisions rigoureuses, radicales, te retourner 360 degrés, puis après ça, les forces vont te dire, les forces peuvent te dire, ouais, c'est ça, faudrait que tu fasses. Mm-hmm. Autrement dit, tu deviens intelligent par toi-même, tu n'as plus besoin des forces pour te dire quoi faire. Tant que tu as besoin des forces pour te dire quoi faire, tu es encore en soumission occulte. Ça, c'est dangereux parce que automatiquement, ils vont tester ta capacité de rendre indépendant d'elle. Il y a une chose que l'homme ne comprend pas. Une chose que l'homme ne comprend pas, c'est que l'homme a l'impression, à cause de ses émotions, à cause de sa nature animale, puis à cause de son anthropomorphisme qui est très chétif, l'homme a l'impression que les forces ont besoin de sa reconnaissance, que les forces veulent être en amitié avec, que les forces veulent un bon rapport avec. Puis ça, c'est une illusion. Il va falloir que l'homme élimine ça de sa conscience un jour. S'il n'élimine pas ça, il ne prendra jamais le contrôle des forces. Prendre le contrôle des forces, ça veut dire totalement déhumaniser la conscience qu'on a d'elle. C'est pour ça que les religions, dans un sens, bien qu'elles aient été nécessaires pendant l'évolution, ont été réellement un grand détriment pour l'homme. C'est là que Nietzsche avait raison. Les religions étaient nécessaires parce qu'elles ont permis à l'homme de stabiliser sa nature animale dans un rapport de force sociale où les lois de territorialité étaient toujours présentes. Mais dans l'évolution, l'homme va être obligé de renverser complètement sa perception qu'il a des forces occultes, donc de ce qu'on appelle tant les divinités ou les plaies. S'il ne fait pas ça, à ce moment-là, l'homme va demeurer un être en initiation. Parce que l'homme, pour que l'homme puisse réellement se rendre libre de son anthropomorphisme par rapport à la gestion cosmique de son énergie, donc par rapport à son rapport avec l'invisible, donc par rapport à la conscience occulte avec laquelle il est capable d'entrer en contact télépathique éventuellement, il va falloir qu'il soit capable de réellement, totalement neutraliser, éliminer, faire sauter l'émotivité qu'il a par rapport à ce qu'on appelle les divinités. Parce que les divinités n'exercent pas leurs droits ou leur action par rapport à l'homme en fonction des prérogatives anthropomorphiques de sa conscience planétaire. Les divinités sont des êtres ou des intelligences qui sont dans d'autres mondes, qui ont leur propre évolution, qui sont régies par d'autres lois qui ne sont totalement étranges, qui ne sont tellement étranges que si on avait un aperçu de ces lois-là et qu'on n'était pas psychiquement balancé, on deviendrait instantanément fou parce que le taux vibratoire est tellement élevé dans ces mondes-là, de sorte qu'on a été, pendant l'évolution, obligé de camoufler la réalité cosmique de ces intelligences-là dans des systèmes de religion, dans des systèmes spirituels. Mais à partir du moment où l'homme va réellement faire sauter ou fragmenter les conventions psychologiques de son moi, qui reçoit, qui est en conversation, que ce soit à travers la prière, ou que ce soit à travers la méditation, ou que ce soit par télépathie directe, comme dans mon cas, avec ces niveaux d'intelligence-là, il va être obligé de réaliser, finalement, que la définition de toute réalité, qu'elle soit absolue ou relative, quand je parle d'absolu, je parle de Dieu, par exemple, ou d'une divinité quelconque, relative, c'est les saints, ce qu'on appelle les saints ou les entités spirituelles, que ce soit n'importe quoi, que l'homme traite au niveau de sa relation avec l'occulte, autrement dit, ce qui est en dehors de son espace-temps psychologique, ça doit être totalement soumis à sa volonté. Soumis à sa volonté, ça veut dire que l'homme doit être capable, sur le plan mental humanisé, d'extraire de sa relation avec l'invisible toute forme d'émotion. S'il n'est pas capable de faire ça, il demeure un être humain, c'est-à-dire il demeure un être involutif. Bon, mais ça, c'est intéressant. La définition de l'évolution, je vais vous en donner une autre. La définition de l'évolution, c'est l'incapacité de l'homme, qu'il soit civilisé comme les Européens ou les Américains, ou qu'il soit moins civilisé comme les Indiens ou que les groupes autochtones dans l'Afrique, etc. L'incapacité de l'homme de déémotiver sa relation avec ce qu'on appelle l'extraplanétaire. Donc, le spirituel, ou l'occulte, ou l'invisible, ou le métapsychique, ou le métaphysique. L'homme n'est pas capable de briser la relation émotionnelle qu'il y a avec ça. Bon, c'est ça qui a permis les religions. Dans l'évolution, l'homme va être obligé de le faire, parce que si l'homme ne le fait pas, il va être assujetti à ce que j'ai défini dans mon livre comme le mensonge cosmique. Le mensonge cosmique étant une conscience territoriale imposée à l'homme pour le protéger contre son émotivité face à l'infinité. C'est ça, le mensonge cosmique. Donc, si l'homme n'est pas capable, à cause de ses émotions, de s'opposer à ce qui est dans l'infinité, autrement dit, dans d'autres mondes, pour des raisons spirituelles, donc pour des raisons émotives, il ne pourra jamais transiger avec l'invisible, donc il ne pourra jamais définir sa réalité, donc il ne pourra jamais être. Donc, il ne pourra jamais développer fonder les assises de sa conscience, parce qu'il demeurera indéfiniment, jusqu'à sa mort en tout cas, un être assujetti à des conditions extérieures à lui-même, donc il demeurera un être involutif. C'est ça un être involutif. Alors qu'un être évolutif, dans le cadre de la définition que je lui donne pour le moment, c'est un être qui a la capacité, éventuellement, d'en arriver à définir le réel en fonction de sa haine qu'il a pour lui à travers ses émotions qui ont été utilisées pendant des millénaires pour la fondation d'une conscience raciale évolutive. Donc, un être qui est conscient, là, qui regarde n'importe quoi, se promène au Japon, ce que les Japonais ont fait, ce que les Russes ont fait, ce que les Indo-Européens ont fait, ce que les Européens, les Latinos ont fait, tout ce que les peuples de la Terre ont fait, pour un être conscient, c'est totalement insuffisant. Fait qu'il critique tout le temps. Fait qu'il va critiquer tout le temps. Pourquoi? Parce qu'il est obligé, de définir sa réalité par rapport à des paramètres qui ne le divestissent pas de sa puissance. Il ne veut jamais être magnétisé. Il ne veut jamais être magnétisé parce qu'il est techniquement grand à cause de nos émotions qui interprètent la grandeur en fonction de la puissance occulte imposée sur nous à travers des systèmes de pensée idéologiques. Fait qu'à ce moment-là, quand l'homme est rendu à ce point-là, ben à ce moment-là, ça devient facile pour lui de venir en contact télépathique, virtuel, éthérique, avec des intelligences d'autres mondes. À ce moment-là, les portes éthériques s'ouvrent et il est capable de commencer à communiquer, rencontrer des êtres qui sont dans d'autres champs d'expérience. Mais des champs d'expérience qui font partie de l'universalité des âmes. Et non pas de la particularité spirituelle de l'humanité. À ce moment-là, ben là, il commence à réellement à rentrer dans les secrets cosmiques. Rentrer dans les secrets des conventions. Il commence à comprendre les lois qui déterminent l'évolution des systèmes galactiques locaux, sidéraux, intersidéraux, interuniversels ou paradisiaques. Il est capable à ce moment-là de réellement interpréter le phénomène cosmique à l'échelle de l'homme, mais pour le bien-être et le bénéfice de l'homme, et non pas pour le bénéfice des hiérarchies qui utilisent son émotivité à travers des religions, ou la systématisation de sa pensée, comme le fait l'homme, comme l'homme se l'est fait faire pendant l'évolution. À ce moment-là, il fait éclater le mythe adamique. Le mythe adamique étant celui qui définit l'homme comme étant celui qui est déjà originellement entaché du péché. Pourquoi est-ce qu'on est originellement attaché du péché? Pourquoi est-ce qu'on est victime du péché originel? Qu'est-ce que ça veut dire cosmiquement que l'homme est attaché du péché originel? Ça veut dire que l'homme est incapable, dans l'instantanéité de sa conscience universelle, d'établir les frontières communes de la conscience, de l'intelligence. Les frontières communes étant quoi? Étant sa capacité à lui en tant qu'humain, autrement dit en tant qu'esprit incarné, de parler avec des esprits non incarnés et faire descendre ou amener sur une planète quelconque une science qui va sortir l'humanité de sa conscience expérimentale. Puis refaçonner le travail de gestion de ces énergies. Donc le travail de construction qui représente la relation psychique ouverte, psychique fermée, occulte ou purement spirituelle ou religieuse entre les forces occultes, les forces invisibles puis le plan manétrière. Ça fait partie de l'évolution. Mais pour que l'homme soit capable de faire ça, il faut qu'il soit capable finalement de s'instruire de lui-même. Puis ça, c'est pas évident, parce que pour le faire, il faut qu'il déchire la toile de sa conscience évolutive. C'est-à-dire qu'il faut qu'il fracture ce qu'il pense de l'invisible. Puis fracturer, ou faire sauter, ou détruire le temple de l'invisible, c'est être capable de perturber dans ces mondes-là, l'image qu'ils ont créée à sa mesure. Fait que si moi, je suis en contact avec l'invisible, puis que je suis au début d'une fusion, disons comme en 69, où j'étais réellement naïf, parce que c'était nouveau, les messages que ces intelligences-là, ou cette intelligence-là, peut me passer dans le canal, ne peut plus être aujourd'hui utile dans ma conscience. Ça fait partie de l'évolution d'initié ou l'évolution de l'art. Fait que dans ce temps-là, c'était normal, parce qu'il n'y avait pas, premièrement, il n'y avait pas de précédent. à l'expérience. C'était normal aussi parce que je fonctionnais avec un résidu de mémoire humaine. Parce que maintenant, je ne fonctionne plus avec un résidu de mémoire humaine. Donc, quand je vais en contact avec des données, de l'information, à quelque niveau que ce soit, que ça vienne de n'importe quel plan ou de n'importe quel membre, je demeure toujours celui qui détermine la validité de l'information pour le temps de mon expérience. Donc, pour le temps de mon expérience, ça veut dire techniquement, parce que je suis un initié, pour le temps de l'expérience humaine. Donc, ça veut dire que si je veux expliquer dans un livre ou dans des conversations ou dans des communications à l'homme le processus de la création des êtres humains sur la Terre, ou le processus de la création des animaux, ou le processus de la création des plantes, ou d'un point de vue cosmique, ou le processus de la création du minéral, donc ce qui équivaut à expliquer le processus de l'incarnation matérielle de l'énergie qu'on appelle l'explosion universelle des mondes, à ce moment-là, je vais le faire en fonction de ce que ça peut rapporter à l'homme. Si ça ne rapporte pas à l'homme parce que ça va définir sa réalité aujourd'hui d'une façon négative, dans le sens qu'il va se sentir trop encore trop écrasé par ça, à ce moment-là, je n'en parlerai pas. Si ça va donner à l'homme un aplomb, si ça va permettre à l'homme finalement de réaliser qu'il est plus grand qu'il pense, à ce moment-là, je vais le parler, je vais l'écrire ou je vais le dire. Donc, c'est l'homme qui détermine finalement ou qui déterminera finalement demain les constantes universelles. C'est-à-dire, c'est l'homme demain qui se programmera lui-même. Moi, je me programme moi-même. Je sais ou j'apprends ou j'étudie ce que je veux. Si je suis pas prêt, pour une raison ou une autre, à étudier ou à apprendre quelque chose, à ce moment-là, je ne l'apprends pas. C'est moi qui détermine ce que je veux apprendre. C'est plus la société qui détermine ce que je veux apprendre. C'est plus les forces occultes qui déterminent ce que je veux apprendre. C'est moi qui détermine ce que je veux apprendre. À ce moment-là, je dis, bon, ben, je vais en parler ou je ne veux pas en parler. Pourquoi est-ce que je peux dire je vais en parler ou je ne veux pas en parler? Parce que j'ai la capacité d'ouvrir ou de fermer mon canal. L'homme conscient aura la capacité d'ouvrir ou de fermer son canal. Puis il va aller chercher ça comme... À ce moment-là, il va ouvrir ou il va fermer les archives. Vous, quand vous travaillez dans votre computer, vous avez la liberté d'ouvrir votre computer, puis d'aller chercher dans Internet, puis vous avez la capacité de fermer votre computer, puis sortir d'Internet quand vous n'avez plein de cash. Moi, c'est la même chose. La conscience, pour moi, c'est de l'Internet. J'ai la capacité d'aller dedans, puis j'ai la capacité de sortir. Quand je suis fatigué, j'en ressors. Quand c'est tout moche, j'en ressors. Quand je veux pas me fatiguer l'esprit, j'en ressors. Quand je veux pas fatiguer l'esprit des gens qui sont autour de moi, j'en ressors. Fait que l'homme, éventuellement, va déterminer la gestion de son information, va déterminer ce qu'il veut savoir. Et tant que tu peux pas déterminer ce que tu veux savoir, puis tu es encore régi par les lois de curiosité, puis tu penses savoir, puis tu penses que plus tu en sais, mieux t'es, à ce moment-là, t'es encore un être spirituel. C'est pour ça que la curiosité, ça fait partie des fallacies fondamentales de l'évolution. La curiosité, ça fait partie de la spiritualité de l'homme. Puis les forces occultes spirituelles utilisent la curiosité pour donner à l'homme l'impression qu'il avance. Alors que quand tu utilises la curiosité pour avancer, tu ne fais que simplement compresser l'énergie dans ton mental, puis éventuellement, tu sautes. Puis ça te ramène techniquement à la mort de l'esprit. Parce que l'esprit, c'est pas curieux. L'esprit, c'est intégral. L'esprit, c'est total. L'esprit, c'est totalement présent. L'esprit, c'est unifié, c'est unifiant. L'esprit, c'est totalement non-dimensionnel. Par contre, parce que l'esprit est non-dimensionnel, ça a la capacité de dimensionnaliser l'expérience. Donc, l'esprit a la capacité de dimensionnaliser son expérience, c'est-à-dire de prendre la mesure de ce qu'il veut savoir dans un corps humain fragile pour un temps quelconque. Ça fait partie de l'esprit. Ça fait partie des lois de l'esprit. Ça fait partie des lois de la lumière. Puis si l'ego est suffisamment conscient, donc éveillé aux lois de l'esprit, à ce moment-là, l'ego ne souffre pas de ce qu'il sait. C'est ce que j'appelle la transparence. C'est ce que j'appelle la conscience supramentale. C'est ce que j'appelle l'éveil de l'esprit dans l'âme. C'est ce que j'appelle l'intégration. Whatever. Des gens, Bernard, qui sont conscients, mettons qu'on dirait que des gens sont suffisamment initiés entre eux autres pour être capables d'être à la fois canal puis de décider de couper le canal, ces choses-là. Comment ils traiteraient avec leur autorité mutuelle? Vous avez une autorité de par cette connexion-là. Vous avez automatiquement une autorité dans la gestion que vous parlez, là, une autorité par rapport aux forces. Fait qu'imaginez, si vous avez une autorité par rapport aux forces, quel genre d'autorité que vous pouvez avoir par rapport à l'être humain? Mais c'est quoi votre question? La question, c'est plusieurs personnes qui ont autorité avec les forces, qui sont capables d'haïr les forces. Quel genre de relation d'autorité qu'ils vont avoir ensemble? Un homme qui a l'autorité par rapport aux forces, ça veut dire qu'il a la capacité de faire la gestion mentale de son énergie. Okay. C'est ça, simplement ça que ça veut dire avoir l'autorité par rapport aux forces. Ce qui nous rend, ce qui nous assujettit occultement aux forces, autrement dit, ce qui fait de l'homme une créature sur la terre, mm-hmm. c'est parce qu'il véhicule toujours une énergie émotionnelle par rapport à sa pensée. Okay. Avoir l'autorité par rapport aux forces, ça veut dire ne pas avoir d'émotion dans le mental. À partir du moment où tu n'as plus d'émotion dans le mental, tu as l'autorité par rapport aux forces parce que les forces ne sont plus capables de te manipuler à travers l'émotion. Mm. C'est ça, avoir l'autorité par rapport aux forces. Par contre, quand tu es comme ça, tu as une autorité chez l'âme, mais tu n'as pas d'autorité par rapport à l'âme. Moi, j'ai une autorité chez vous, mais je n'ai pas une autorité par rapport à vous. C'est quoi la nuance? J'ai une autorité chez vous dans ce sens que je peux rentrer dans votre esprit à travers la manipulation vibratoire de l'énergie mentale. Dans le sens que j'ai la capacité de vous faire savoir des choses que vous n'êtes pas capable de penser. Okay. C'est dans ce sens-là que j'ai une autorité chez l'homme. Mm-hmm. Bon. Supposons que vous êtes un exégète puis que vous me parlez de, je sais pas moi, de réincarnation. N'importe quel domaine. Ben à ce moment-là, j'ai la capacité de rentrer chez vous. Bon, je vais prendre ce que l'humanité vous a enseigné ou ce que vous avez étudié dans les archives d'humanité, puis je vais vous le faire éclater à une plus grande échelle. Je vais l'amener plus loin. Fait que j'ai une capacité de rentrer chez vous. Fait que vous allez dire, ouais, c'est intéressant ce qu'il dit, j'avais jamais pensé à ça. Vous pouvez pas penser à ça, ça se pense pas, ça. Puis ça se pense pas parce que pour savoir ça, il faut que tu parles avec les plans mentaux. Mm-hmm. C'est pour ça que ça se pense pas. Donc, ça me donne la capacité de rentrer chez vous. Mais ça ne me donne pas d'autorité par rapport à vous. Parce que vous pourriez très bien dire, bon, ça, là, lui est flyé, lui, je ne m'intéresse pas à ça. Mm-hmm. Fait que ça, si vous êtes suffisamment évolué, vous êtes capable de dire, ouais, c'est bien intéressant ça, parce que vous avez une certaine lumière, quelconque, qui vous amène à pouvoir sentir un petit peu ça, puis que vous restez en contact avec moi par un certain nombre d'années, probablement qu'un jour, votre taux vibratoire va s'élever assez pour que vous soyez capable vous-même de rentrer dans ces mêmes registres-là. Puis à ce moment-là, bien, ça va retourner de bord. Là, c'est vous qui allez rentrer chez nous. Mm-hmm. Fait qu'au lieu que moi, je sois seul, qui rentre chez vous, donc qui rentre chez l'âme, là, il va y avoir des âmes qui vont pouvoir rentrer chez vous. Fait que quand tu as des âmes, là, qui peuvent rentrer chez vous, comme vous rentrez chez nous, ça a déjà été établi, que j'ai déjà dit en public que vous êtes capable de rentrer chez nous, j'aime votre intelligence, je bénéficie de ce que vous savez. À ce moment-là, ben, je suis plus tout seul, là. Là, on est deux, puis on est trois, puis on est quatre, puis on est dix. Donc, l'âme sera de plus en plus dans le temps capable de rentrer chez l'âme. Ok, je comprends bien, l'être conscient apprécie que d'autres hommes rentrent chez lui. Oui, parce qu'à ce moment-là, ça brise la solitude. On dit que l'homme conscient, c'est évident que ma conscience, je vis une solitude dans ma conscience. Mais quand quelqu'un rentre chez nous, là, la solitude est brisée. Quand vous venez chez nous pour qu'on parle pendant des heures, puis qu'on regarde, n'importe quoi, la solitude est brisée. Ma solitude est brisée, votre solitude est brisée. Mm-hmm. Fait qu'à ce moment-là, ben, on bénéficie mutuellement de cette énergie créative-là. Mm-hmm. À ce moment-là, il n'y en a plus d'autorité. Il y a l'autorité quand vous rentrez chez nous, parce que quand vous rentrez chez nous, je suis obligé de vous écouter parce que c'est intelligent. Mm-hmm. Fait qu'il n'y en a plus d'autorité dans le sens involutif machiavélique du terme. Il y a une autorité créative qui fait partie de votre conscience créatrice. Votre conscience créatrice est automatiquement autorité. Si vous n'aviez pas d'autorité à votre conscience créatrice, ça serait inutile pour moi de vous amener chez nous, vous inviter à prendre du thé, parce que je perdrais mon temps. C'est ça. Je vous invite pas chez nous pour continuer le travail que je fais en public. Je vous invite chez nous pour pouvoir finalement permettre que quelqu'un rentre chez nous. Fait qu'il est là le plaisir. Fait qu'avec le temps, il y aura de plus en plus d'hommes qui seront capables de rentrer dans l'humanité, chez l'humanité. Et quand on sera rendu là, mais ça sera un grand plaisir pour l'homme, c'est que des êtres se rencontreront, se percevront, s'apprécieront d'une façon que l'homme de l'évolution n'a jamais connue. On dira ça, ben, on identifiera à ce moment-là des êtres qui ont cette capacité-là de rentrer chez vous. Et ces êtres-là, ben, ce seront techniquement demain vos amis, vos amis, les êtres avec lesquels vous avez des relations humaines. Mm-hmm. Sans ça, ben, vous êtes toujours en voie de donner. Puis quand tu es en privé, tu ne veux plus donner. Mm-hmm. Tu donnes en public, là. Tu rentres chez l'humanité en public. Mais quand tu es privé, tu veux que quelqu'un d'autre rentre chez vous. Tu veux sortir de ton rôle tu veux changer, créateur, puis tu veux changer. C'est ça. Il y a des droits d'entrée, ça, qu'on rentre dans Internet ou dans n'importe quoi, il y a toujours des droits d'entrée. Est-ce que le fameux droit d'entrée, ce serait ce que vous parlez depuis quelques mois, le respect? Ah oui. Le droit d'entrée, c'est le respect. Pas de respect, oubliez ça. Tu sors de l'Internet, tu ne rentres pas dedans. Au niveau cosmique, pour rentrer, il faut que tu aies le respect. Tu ne rentres pas dans la conscience universelle sans cette clé fondamentale-là qui est le respect, qui est l'amour du mental. Mm-hmm. Puis, il y a bien des hommes qui vont vivre de grandes déboires à cause de ça. Il y a bien des hommes qui vont vivre de grandes désillusions. Quoi, ça. Il y a bien des hommes qui vont vivre des grandes faillites psychologiques, spirituelles par rapport à ça. Parce que autant le respect n'a pas fait partie des conventions de l'évolution, autant le respect va faire partie des conventions de l'évolution. Donc le respect, ça sera la clé qui permettra à l'homme de rentrer dans l'Internet universel, puis aussi d'en bénéficier, puis de l'échanger avec d'autres. Le respect va... Pourquoi l'importance du respect? Parce que le respect, c'est ça qui va détruire les dictatures. Pendant l'évolution, le régime humain a été fondé sur la dictée. Donc, il a été fondé sur les dictatures. Dans l'évolution, le régime humain sera fondé sur l'éclatement des dictatures. Mm-hmm. Ça va être remplacé par? Ça va être remplacé par l'anonymat. Ça va être remplacé par la transparence. Deux êtres conscients ne subissent pas de dictature. Tu peux pas imposer une dictature à deux êtres, trois êtres, quatre êtres conscients. Il y a trop de conscience vibratoire, là. C'est la conscience vibratoire qui va faire éclater les dictatures. Tant que les hommes n'auront pas de conscience vibratoire, ils seront capables d'absorber une dictature. La dictature les fera évoluer. La dictature les amènera au-delà de la spiritualité. La dictature servira. Comme pendant l'évolution, la dictature l'a servi. Mais à un certain moment donné, les hommes feront éclater la dictature parce que la dictature représente le principe satanique dans la conscience humaine. La dictature représente l'incapacité de l'homme de faire germer dans la conscience de l'humanité certains rayons d'amour qui sont nécessaires pour la gestion universelle des femmes que l'homme comprendra plus tard lorsqu'il en arrivera finalement à travailler avec des forces ultra-intelliques. Donc, on peut pas passer à côté du respect. Mm-hmm. La grande marque de définition de l'homme nouveau, ça sera le respect. Ça va être la grande marque de définition. Et qu'avec ça, tu pourras mesurer l'homme nouveau. Le reste, ça sera simplement périphéral, ça sera stratégique, ça sera évolutif, ça sera expérientiel. Ça fera partie encore des forces de l'âme qui veulent contrôler l'évolution et le domaine de l'esprit. Dans notre évolution de conscience, qu'est-ce qu'il faudrait surveiller qui pourrait être de la domination à travers, exemple, le supramental? Qu'est-ce qui pourrait vouloir s'infiltrer? Parce que les forces sataniques, les entités, l'astral vont quand même vouloir s'infiltrer dans le mental des gens. Qu'est-ce qu'il faudrait surveiller de particulier dans une évolution de conscience qui pourrait quand même nous amener à se faire dominer par même l'instruction? Qu'est-ce qu'il faudrait surveiller? Parce que les gens prennent l'assurance avec le vocabulaire et puis avec même la vibration. Vous avez créé? Oui. Je n'avais pas de papier. Non, pas de papier. Ça dit que ça sera l'abus de pouvoir. Ça revient toujours à ça. L'abus de pouvoir. Allez, regardez-nous. Ouais. C'est parce qu'un être vibrant, il est en autorité. Puis quand il est en autorité... Ah, ben c'est ça. Il est en autorité, fait que tant que c'est pas clean, clean, clean, clean, clean, clean, il peut avoir l'abus de pouvoir. Ça se reconnaît comment, ça? Parce que c'est difficile de discuter quelque chose d'intelligent. L'abus de pouvoir, ça se reconnaît pas tout de suite. Ça se reconnaît pas tout de suite parce que les gens ont besoin de la dictature. Parce que les gens n'ont pas suffisamment d'identité. Fait que l'abus de pouvoir, tu ne le reconnais pas tout de suite. Mais avec un certain temps, quand l'homme évolue, éventuellement, il commence à reconnaître l'abus de pouvoir parce que la dictature, pour n'importe quelle raison, va toujours rationaliser son mouvement. Elle va toujours... Une dictature intelligente, c'est une dictature intelligente. C'est, que ce soit de l'intelligence qui vient de la lumière, que ce soit de l'intelligence qui vient d'autres plans, de l'intelligence, c'est de l'intelligence. Puis l'homme n'est pas capable de reconnaître la pollution dans l'intelligence. Puis de la dictature, c'est de la pollution dans de l'intelligence. Mm-hmm. Mais c'est de la pollution astrale qui est tellement raffinée que c'est raffiné parce que ça va utiliser tout ce qui est faible dans l'homme pour lui donner la semblant que c'est fort. Mm-hmm. Alors que la force dans l'homme, la puissance dans l'homme, il faut que ça soit totalement à vif. C'est ça, il ne peut pas avoir d'émotion, il peut pas être, ça ne peut pas être basé sur rien de la force. Mm-hmm. Tandis que la dictature, elle, elle va faire vibrer de la force qui va être basée sur des appétits quelconques. Mm-hmm. Fait que si vous êtes faible, puis moi je suis un dictateur, je suis capable à travers tout mon lingo, ou mes idées, de vous donner l'impression que vous allez être fort, si vous me suivez. Ouais. Il y a un appât dans de la dictature. OK. Il y a toujours une idéologie dans une dictature. Regardez n'importe quelle dictature, que ce soit une dictature spirituelle, religieuse, politique, idéologique, il y a toujours une idéologie. Il y a toujours une comment est-ce que je dis ça? Un appât. Tandis que dans la puissance humaine, il n'y a pas d'appât. Mm-hmm. C'est gratuit de la puissance. Mais pour que l'homme arrive à cette puissance gratuite-là, faut qu'il développe une conscience vibratoire. Et la conscience vibratoire reconnaît la dictature, okay, instantanément. Fait que le but de pouvoir, la façon dont vous parlez, le but de pouvoir, c'est pas la personne qui projette, qui est finalement responsable. C'est le fait qu'il y a des gens qui la demandent dans un sens. L'abus de pouvoir, ça fait partie de l'expérience humaine. L'abus de pouvoir, ça fait partie des pions sur l'échiquier de la vie, mm-hmm, sur l'échiquier de l'expérience. Mm-hmm. Il y a des gens qui sont magnétiques, il y a des gens... Je prends lui, là. Je reviens toujours à lui parce que pour moi, c'est un bon modèle d'expérience. C'est un homme qui est intelligent, c'est un homme qui paraît très bien, c'est un homme qui a du charme, c'est un homme qui est magnétique, c'est un homme qui a beaucoup de qualités. C'est un homme pour qui la vie, dans un sens, est suffisamment facile. Les choses viennent vers lui. Mm-hmm. Un homme comme lui, s'il n'y a pas un grand respect de l'être, je ne fais pas de la voyance de lui, là, j'explique simplement là, un tableau. S'il n'y a pas un grand respect de l'être, automatiquement, il va avoir un abus de pouvoir, même malgré lui. Mm-hmm. Pourquoi? Parce que c'est too much, il y a trop d'attributs. Il y a de la beauté, il y a de l'intelligence, il y a du charisme, il y a toutes sortes de choses. Il y a une capacité d'exprimer sa volonté avec facilité. Donc, s'il rencontre un personnage qui est moindrement faible, puis qui est moindrement dans le besoin, il est magnétisé tout de suite. Ouais. Fait que, qu'est-ce qu'on va dire? On va-tu blâmer lui ou on va blâmer l'autre? Alors, moi, ce que je vais dire, c'est que je vais dire, bon, mais ça fait partie de l'échiquier de l'extérieur. Mm-hmm. Si lui est suffisamment intelligent pour regarder un petit peu plus loin, au-delà de ses attributs, puis faire attention. Vous savez, j'ai toujours dit, un homme qui est très doué doit toujours protéger ceux qui le sont moins. Mm-hmm. Donc, un homme comme lui, il a le rôle, il a le besoin de protéger ceux qui sont moins doués, parce que s'il ne les protège pas contre lui-même, il va les magnétiser, il va les rentrer dans sa mécanique astrale. Puis automatiquement, bien, éventuellement, ces gens-là vont vivre l'expérience par rapport à lui, parce qu'il est doué. Donc, ça fait partie de l'échiquier de la vie. Mais s'il se regarde, puis il connaît les lois occultes, l'institut, puis il regarde comment il est, puis qu'il utilise ce qu'il est, mais pour protéger l'homme, à ce moment-là, il peut enrichir l'homme énormément, parce qu'il est déjà enrichi. Fait que plus les êtres sur la Terre sont doués, plus c'est leur rôle de protéger l'homme. Un homme qui a une grande parole, il faut qu'il protège l'autre contre la parole. Un homme qui a une grande générosité, il faut qu'il protège l'autre contre sa générosité. Un homme qui est en puissance, qui a de la force, il faut qu'il protège l'autre contre sa force. Parce que les hommes, à cause de leur nature évolutive, sont attirés à ce qui brille. On est attiré vers l'or. On est attiré vers l'or. Donc, si l'or est réellement solaire, si l'or est réellement un métal pur, l'or, automatiquement, n'a pas de corrosion. S'il n'est pas pur, il va y avoir de la corrosion dedans. Ça, c'est ça de la dictature. Fait que la dictature, dans le fond, c'est de l'or, mais il y a de la corrosion dedans. Tandis qu'un homme conscient, c'est de l'or pur. Il n'y en a pas de dictature. Donc, c'est ça que j'appelle la conscience universelle. À ce moment-là, automatiquement, quelles que soient les caractéristiques généreuses de sa programmation, il va utiliser sa puissance pour allumer le feu dans l'homme, pour allumer l'homme, pour rendre l'homme grand, mais le rendre grand en fonction, le rendre grand en fonction de sa liberté. Mm-hmm. Toujours, il faut toujours redonner à l'homme sa liberté. Ça a été le péché de l'involution. Enlever à l'homme sa liberté. Les religions nous ont enlevé nos libertés. Les politiques nous ont enlevé nos libertés. L'homme devra redonner à l'homme la liberté. Donc l'homme conscient redonnera à l'homme sa liberté. C'est ça, l'abolition des dictatures. Si, donc, que l'homme inconscient ne voit pas ça, qu'un homme inconscient ne soit pas capable de réellement mesurer ou faire ou se protéger contre l'or qui brille d'un être comme lui, c'est normal, parce que l'homme est naïf, l'homme est spirituel, tu sais, l'homme est 5 pieds 5, lui est 6 pieds 2, il y a toutes sortes d'attributs qu'on n'a pas, bon. Mais c'est pour ça que c'est toujours au géant de protéger ceux qui sont plus profanes. Mm-hmm. Ça mènera à l'abolition des dictatures. Si les géants ne protègent pas ceux qui sont plus profanes, à ce moment-là, ben, on continue le règne des dictatures, on continue le règne de l'involution, puis éventuellement, les gens qui sont réellement conscients, puis qui ont une grande science vibratoire, mettront même les géants de côté, parce qu'un homme conscient, c'est très intelligent. C'est très intelligent, ça a une conscience très vibrante, ça a une voyance très libre. Donc, ça met de côté les géants, donc à ce moment-là, ça s'isole. Mm-hmm. Donc, si les hommes s'isolent ou si les hommes conscients demain s'isolent, c'est parce que les géants n'auront pas protégé les profanes, et à ce moment-là, l'homme conscient s'isolera des géants au lieu de travailler avec eux. Mm-hmm. Autrement dit, au lieu que les géants deviennent eux autres aussi des êtres conscients, donc des êtres réellement anonymes dans la conscience, donc des êtres qui sont réellement au-delà de la dictature, qui est la caractéristique adamique de l'évolution. S'il y a tant de souffrance sur la Terre aujourd'hui, c'est parce que les dictatures existent. Les dictatures à différents niveaux. Fait que c'est très important de comprendre ça. Puis on est tous les hommes dans l'évolution, on est tous un petit peu dictateurs, parce qu'on a tous un petit peu d'ego, on a tous un petit peu d'astral. C'est pour ça que l'homme, s'il est un géant, ou s'il a des qualités, puis on a toutes des qualités, donc on a tous un petit peu, on est tous un petit peu des géants dans notre mode d'expression, faut qu'on protège toujours l'homme contre soi. Pour moi, c'est la plus grande ligne d'action de l'homme nouveau, de protéger l'homme contre lui-même. Mm-hmm. Quand t'es rendu là à réellement protéger l'homme contre toi-même, c'est parce que t'es bien, bien désastralisé. Mm-hmm. C'est un signe de désastralisation, t'as une grande transparence. Là, à ce moment-là, tu peux dire que l'homme est dans son esprit, que l'homme n'est plus réellement régi par les lois de l'âme. Et à ce moment-là, il est libre, il fait partie d'une nouvelle évolution. Et les hommes qui sont autour de lui, à ce moment-là, peuvent grandir dans leur propre essence. Sans ça, ben, des hommes comme moi, par exemple, on va former des religions, on va former des sectes, on va former des égrégores très puissants, puis on va enlever à l'homme ce que l'homme a besoin de plus, c'est la conscience de sa liberté, ou la liberté dans sa conscience. Donc on va être des fins dictateurs, on va être réellement des êtres qui, du point de vue de l'évolution, demeurent des êtres dangereux, même s'ils sont bénis par l'occulte. Je vous remercie infiniment, Bernard. À la prochaine.